Coucou, c'est Mathieu. Pour vous permettre de continuer à écouter les petites histoires gratuitement, j'ai décidé de faire appel à des sponsors. En écoutant leurs messages publicitaires, vous nous permettez de continuer à imaginer des tas d'histoires pour vous. Merci de votre soutien. Vous connaissez le podcast Chronique de l'intérieur ? Découvrez sans tarder cette fiction décomplexée qui libère la parole autour d'un sujet encore trop souvent tabou, le transit. On y suit Lou, une trentenaire dynamique. Le hic, c'est que Lou est constipée et ça lui gâche un peu la vie, partout, tout le temps. Suivez son quotidien drôle et touchant, entouré de ses amis, puis sa rencontre avec des experts qui nous éclairent sur le sujet. Chronique de l'intérieur, une série d'un genre nouveau, présentée par Épar, disponible sur votre application de podcast préférée et sur épar.fr. Les petites histoires de Tell Me. Théâtre à la maison. D'ordinaire paisible, aujourd'hui la maison des Dumont s'était transformée en véritable salle de jeu. Dans le salon, 22 enfants chahutaient gentiment, leurs cris se mêlant à la musique rythmée diffusée sur la chaîne IFI. Certains disputaient une partie de cache-cache, tandis que d'autres étaient plongés dans la chasse au trésor organisée par les parents de Luc. Pour ses 10 ans, il avait eu le droit d'inviter toute sa classe, même Tatiana la nouvelle, avait reçu son carton d'invitation. Au milieu de tout ce brouhaha, un garçon aux cheveux en bataille rêvassait, un sourire aux lèvres. Élie était content d'être là. Luc était son meilleur ami et il était trop heureux de participer à son anniversaire. Mais Élie était aussi super excité, car dans son sac se trouvait la plus extraordinaire des surprises, une surprise qui allait éclipser tous les autres cadeaux. « Élie, aide-moi! Il faut qu'on trouve le dernier indice !»« J'arrive !» Mais d'un coup, la musique s'arrêta net. Les parents de Luc se tenaient dans l'embrasure de la porte, un gâteau recouvert de crème dans les mains. « Happy birthday to you! Happy birthday to you !» Aussitôt, la chanson fut reprise en chœur par tous les enfants dans une incroyable cacophonie. Luc souffla sur les bougies de toutes ses forces et les éteignit sous un tonnerre d'applaudissements. Puis, le moment qu'Élie attendait tant arriva, celui des cadeaux. Il allait enfin pouvoir offrir ce qu'il préparait depuis plusieurs semaines. Les camarades de Luc se précipitèrent vers lui, un paquet à la main, mais Élie, lui, préféra patienter, pour être le dernier, la cerise sur le gâteau, le clou du spectacle. Couvert de paquets, Luc ne savait plus où donner de la tête. Il les ouvrait à la chaîne, oubliant même de remercier ses convives. Chevaliers en armure, boîtes de pâte à modeler, monstres en plastique multicolore, bateaux pirates, il y en avait partout. Il ne restait plus que le cadeau de Tatiana. Il était énorme et emballé dans un papier bleu décoré d'étoiles jaunes. Devant la taille du cadeau, Luc écarquilla les yeux et se pressa de l'ouvrir. Mais en découvrant que ce n'était qu'un vieux théâtre en bois, il ne put masquer sa déception et délaissa le cadeau. Devant sa réaction, Tatiana retourna dans son coin, le regard triste. En la voyant, Élie eut un pincement au cœur, mais il n'avait pas le temps de s'apitoyer. Son moment était enfin venu. Avec le plus grand sérieux, il se dirigea vers son ami et lui tendit son cadeau. « Luc, comme tu le sais, j'adore inventer des histoires. » Luc déchirait déjà le papier. « Alors, pour ton anniversaire, j'ai écrit un livre entier qui raconte nos aventures. »« Ouah, mais c'est trop bien! On peut le regarder ensemble si tu veux. » Mais son ami n'y prêtait déjà plus attention. Il regardait par-dessus l'épaule d'Élie, un sourire béat sur le visage. Élie se retourna et vit Monsieur et Madame Dumont une enveloppe rouge et or à la main. Sans un mot, Luc jeta le livre sur la table et courut vers eux. Élie resta planté au milieu du salon. Surexcité, son ami déchira l'enveloppe et en sortit 1, 2, 3, 10, 15 et 22 tickets. « Mais, c'est... »« Des places pour le cirque. »« Depuis qu'ils sont arrivés dans le quartier, tu n'arrêtes pas d'en parler. »« On s'est dit que ça te ferait plaisir d'y aller avec tes amis. Par contre, faut se dépêcher. La séance commence à 16h pétante. En route !»« Mais c'est génial! Vous avez entendu ça? On va au cirque !» Les enfants acclamèrent les Dumont et se mirent à courir dans tous les sens pour enfiler manteaux et baskets. Immobile, Élie fixait son livre, abandonné avant même d'avoir été feuilleté. des semaines, à se creuser la tête, à écrire, à raturer, à recommencer. Et son œuvre se retrouvait délaissée entre un paquet de bonbons éventrés et une part de gâteau entamé. Lorsqu'Élie cessa de ruminer, il ne restait plus que lui, Tatiana et la mère de Luc dans la maison. « Allez, allez, dépêchez-vous !»« Je suis désolée, mais j'ai pas très envie d'aller au cirque. »« Ah bon? Mais pourquoi ?» Bah, c'est que quand je suis venue, je suis passée devant et j'ai vu plein d'animaux en cage et ça m'a fait de la peine. Oh, très bien, je comprends. Et toi, Élie, tu y vas, non ? Encore vexé par la réaction de son ami, le garçon n'avait plus envie de grand-chose. Non, je préfère rester avec Tatiana. Élie, t'es pas obligé, hein, ça me dérange pas d'être toute seule. Non, vraiment, j'ai pas envie d'aller au cirque. Madame Dumont alla prévenir son époux et revint dans le salon. Alors, que voulez-vous faire maintenant ? Se connaissant à peine, il ne sut quoi répondre. Élie observa l'amoncellement de cadeaux qui jonchait le sol du salon. Le théâtre de bois retint particulièrement son attention. Lorsque Luc l'avait déballé, il n'y avait pas fait attention, mais là c'était différent. Il entrevit les possibilités que ce jouet pouvait offrir. C'était un véritable bijou, un outil magnifique qu'il devait absolument essayer. Une heure plus tard, Luc et ses amis revinrent du cirque. La maison fut de nouveau emplie d'éclats de voix, de rires et de cris. Les enfants ôtèrent leurs chaussures et se dirigèrent vers le salon, bien décidés à s'amuser avec les nouveaux jouets de Luc. Mais la pièce était plongée dans le noir. Seule une lampe torche tenue par Madame Dumont diffusait un halo de lumière éclairant le théâtre de bois qui trônait sur la table. « Venez, asseyez-vous !» Sans bien comprendre ce qui se passait, ils s'installèrent en cercle sur l'épais tapis en face de la scène. Derrière, dissimulés par le théâtre, Élie et Tatiana se tenaient prêts. Les derniers spectateurs terminaient de s'installer quand Madame Dumont frappa 13 coups sur le sol à l'aide d'un manche à balai. Cette tradition théâtrale signifiait que la pièce allait débuter. Le silence se fit. Puis, trois nouveaux chocs plus marqués sonnèrent le début de la représentation. Les rideaux s'ouvrirent, dévoilant deux chevaliers en plastique maintenus discrètement par Tatiana. L'un portait une armure bleu azur avec une vague dessinée sur le torse. L'autre arborait une cuirasse vert émeraude sur laquelle figurait un arbre aux feuilles dorées. « Simple mortel, cette histoire vous raconte l'incroyable aventure de Gluck et Gélie, deux chevaliers de l'espace. Inséparables et d'un courage sans limite, ils combattent le crime à travers la galaxie, protégeant l'alliance des peuples libres des projets puants de l'affreux Orglux. » À côté des chevaliers, Tatiana posa un monstre de pâte à modeler à l'air mi-méchant, mi-idiot. Oh, c'est moi, Zorglux. Un jour, j'arriverai à conquérir le monde et vous serez à mes pieds. Tiens, en parlant de pieds, voilà pour toi. En marionnettiste aguerri, Tatiana saisit la jambe de l'un des chevaliers et l'envoya valdinguer dans l'horrible créature qui chuta en arrière. Non ! Avant de s'écraser sur le sol sous les rires communicatifs des spectateurs. Après avoir vaincu le plus grand méchant de l'univers, les deux amis montent dans leur bateau à propulsion solaire pour parcourir les galaxies voisines. Tatiana plaça les deux figurines dans le bateau pirate et fit mine de les faire voguer. Derrière le navire, Élie faisait défiler des dessins de ciels étoilés illustrant le voyage des deux héros. Un bruissement d'émerveillement parcourut l'auditoire. Au cours de leur péripétie, ils domptèrent des T-Rex cracheurs de feu. Vinrent en aide aux populations des terres désolées. Mais comment vous remercier ? Vous nous avez sauvé la vie ! Et découvrir des planètes nouvelles sur lesquelles les habitants parlaient des langues inconnues. Le public explosa de rire en entendant les bafouillements de Tatiana. Malheureusement, un jour, une dispute éclata entre les deux chevaliers. Une dispute sans importance que le terrible Zorglux fit grandir grâce à ses pouvoirs maléfiques. Par sa faute, Bluc et Gélie cessèrent de se parler. Tatiana fit sortir de scène les deux héros, chacun de leur côté, cédant leur place à un Zorglux plus gros, plus moche et plus idiot que la première fois. Sans scrupule, l'affreuse créature lança ses troupes sur les territoires de l'Alliance. Ah ah, bande de vermines, vous êtes maintenant à ma merci! La fillette fit apparaître une armada de vaisseaux. À l'intérieur, de vilaines créatures aux crocs acérés fixaient les invités. Malgré leur témérité, les forces alliées se firent submerger par la horde de monstres sanguinaires de Zorglux. Ils étaient bien trop nombreux pour espérer en venir à bout. Un frisson d'effroi traversa l'assistance. Tandis que les planètes tombaient une à une aux mains de l'odieux tyran, Bluc et Jelly ne donnaient aucun signe de vie. Tout semblait perdu quand la souveraine du dernier royaume encore debout, la reine Tagliana, partit à leur recherche. Sur la scène, une guerrière en armure orange et à la chevelure blonde apparut. Tatiana la fit saluer le public, attirant immédiatement les faveurs des enfants. Elle voyagea aux confins des galaxies connues, surmonta de multiples épreuves et risqua sa vie à maintes reprises pour accomplir sa mission. Et après des mois et des mois d'expédition, elle finit par les retrouver. D'abord Jelly, méditant près de la lune d'Astriote, puis Bluc, installé dans la constellation de Cassiopée. Enfin réunis, Tagliana leur expliqua le danger que couraient les leurs et la menace grandissante que représentait Zorglux. Lorsqu'elle termina, les deux chevaliers se regardèrent un long moment et se prirent dans les bras. « Je suis désolée, Jelly. Moi aussi, Bluc, pardonne-moi. On va lui botter le derrière à ce gros tas de morves, avec plaisir !» Ensemble, plus rien ne pouvait les arrêter. Bluc, Jelly et Tagliana livrèrent une bataille sans merci, libérant les peuples opprimés et se débarrassant une bonne fois pour toutes de l'infernal Zorglux. Pour illustrer la défaite du tyran intergalactique, Tatiana abattit son poing sur le monstre en pâte à modeler, le réduisant en bouillie. Les enfants poussèrent des cris de joie devant la défaite. C'est ainsi que la liberté triompha une fois de plus et que l'amitié des deux chevaliers entra dans la légende. Dans le salon, la mère de Luc éteignit la lampe éclairant le théâtre et ralluma la lumière de la pièce. Après une seconde de flottement, Luc et ses invités se levèrent et se mirent à applaudir longuement. À la fois gênés et fiers, Ellie et Tatiana saluèrent timidement. Luc vint les voir des étoiles plein les yeux. « C'était génial! C'était trop drôle, il y avait de l'action, les chevaliers avaient trop la classe. Et toi, Tatiana, tu m'as fait mourir de rire avec tes voix. » Ah, merci, c'est gentil. Vraiment, vraiment, c'était trop bien. Je sais même pas comment vous avez eu le temps d'inventer une histoire pareille. Oh bah ouais, on a trop aimé faire ça. Tu sais, avec toutes les aventures que j'ai inventées avec toi, des histoires, j'en ai des tas. Et puis, Tatiana est trop douée pour leur donner vie. Ça vous dirait qu'on essaie de faire un nouveau spectacle? Je veux dire ensemble, tous les trois. Les deux copains se regardèrent un instant, puis hochèrent la tête. Un sourire jusqu'aux oreilles. Les aventures de Bluc, Jelly et Tagliana ne faisaient que commencer. C'était une histoire de Thomas le Petit Corps. Vous avez aimé cette histoire? Dites-le nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. Ça nous fera très plaisir. À bientôt.